Bon, Daniel Kem, on en était rendu au véhicule On s'est physique. rendu à la vitesse du vent à travers les barreaux de chaise. C'est ça. Mais au véhicule qui supporte tous ses corps. Bon, le véhicule qui supporte tous ces corps-là, c'est pas le véhicule physique. C'est pas le corps. C'est lui que les médecins ouvrent puis opèrent. Ce corps-là vient à un moment donné qui soutient plus rien. Il se désagrège tout, puis il revient à la Terre. Alors, il y a quelque chose d'autre qui soutient le corps physique. Déjà en partant, ben, c'est pas le corps qui soutient tout. Qu'est-ce qui différencie une personne qui dort d'une personne qui est morte? Si la personne qui dort respire pas pendant un bout de temps, là, ben, il y en a un qui est vivant, une qui est morte. Il y a quelque chose qui habite un qui habite pas l'autre. Donc, le quelque chose en question soutient le corps physique. On appelle ça la vie. On peut appeler ça aussi corps vital. Okay? C'est le magnétisme humain. Alors, il y a déjà un corps qui soutient le corps physique. Les maladies psychosomatiques, les maladies astrales, les maladies émotives, finissent lentement, de par leur vibration, par faire vibrer le corps vital d'une certaine manière, qui à un moment donné fait vibrer sa correspondance physique, puis crée ce qu'on appelle des maladies, des dissonances vibratoires pour les acupuncteurs. Alors, qu'est-ce qui tient quoi? C'est moi qui te pose la question. Le corps physique, ben non. C'est quoi? Qu'est-ce qui tient quoi? C'est l'esprit qui tient l'esprit. Wow. L'esprit, c'est quoi? C'est moi qui pose les questions. Ouais, mais celui qui pose des questions doit au moins connaître un peu qu'est-ce qu'il veut définir par ses questions. Moi aussi, je peux t'en parler toute la nuit si tu veux. Mais c'est pas moi, Daniel Kahn. D'accord. L'esprit, mais disons que l'esprit, parce que pour moi, l'esprit, c'est un esprit de mots, c'est, wow, c'est un mot que j'ai banni depuis longtemps. Le corps vital, il y a une chose qui est importante, ok, c'est que les vibrations, ces choses-là, ont pas dans le domaine de l'homme, ok, dans le domaine de la compréhension humaine, ces choses-là n'ont pas de raison d'être. Ok, t'es pas sur la terre pour quoi que ce soit, pas pour quoi que ce soit que toi tu peux comprendre, pas dans l'état que l'homme est placé présentement. Ok, t'es pas sur la terre non plus pour souffrir, mais c'est toutes des raisons ce que l'homme s'imagine. Il y a des causes, il y a des phénomènes qui sont pas de l'amplitude du cerveau humain, qui sont immensément plus vastes que ça. On leur a donné des termes d'infinité. Okay? Les raisons sont parallèles à ces infinités-là. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, ton corps physique est là, parce que ton corps vital le tient là. Okay? Ton corps vital appartient à une planète, puis tient la planète Terre agglomérée. Mais ton corps vital existe parce qu'il y a une planète Terre à agglomérer. Puis ta planète Terre existe parce qu'il y a un corps vital qui le tient aggloméré. Bon. La raison là-dedans, il n'y en a pas nécessairement. Du moins pas, l'homme peut pas arriver à comprendre ces raisons-là. On peut en parler, là, mais il va dire que ça servira absolument à rien. Puis moi, je veux pas trop m'avancer dans des choses qui servent à rien. C'est-à-dire qu'on peut en discuter dans des réunions de salon, là, on peut en discuter, faire des conférences, faire bien des cassettes, sauf que ça servira à rien à celui qui va les écouter. Présentement, il y a des choses qui sont définies pour l'homme, pour chaque être humain, pour chaque individu. Elle a un passé plus ou moins défini, elle a un avenir plus ou moins défini. Elle peut s'inventer un passé, elle peut s'inventer un avenir, sauf que ces raisons-là sont des raisons que la personne elle-même va se donner, elle va finir lentement par s'identifier à ces raisons-là. Elle peut s'en créer une philosophie, une psychologie, une raison d'être, elle peut s'en créer aussi une raison de se détruire. Okay? Mais ces raisons-là, c'est des raisons qui sont typiques, qui sont limitées par la pensée de l'homme. Les raisons que tu me demandes là, c'est des raisons qui sont à l'extérieur de la pensée de l'homme présentement, à l'extérieur de l'expérience de vie de l'homme, ce qui fait que présentement, elles ne peuvent pas être comprises, sauf par une illumination, prenant des termes déjà connus, là. À un moment donné, tu as un flash, là, tu vois tout, tu sais tout, tu comprends tout. L'expliquer, ça sert à rien parce que tu peux pas expliquer à quelqu'un quelque chose que la personne ne peut vraiment pas comprendre, qu'elle n'a pas déjà. Ton corps physique est maintenu par ton corps vital. Ton corps astral, lui, existe même sans ton corps physique. Quand tu meurs, ton corps physique disparaît, ton corps vital est réintégré à la planète, ton corps astral continue, tes mémoires vont continuer. OK? Les mémoires que tu as, premièrement, tu as une mémoire génétique, tu as une mémoire physique, qui, elle, va, parlons un peu du principe de la réincarnation, elle va simplement réincarner dans un autre corps, le même corps, elle, à partir de sa mémoire génétique, OK, mélangée à une autre mémoire génétique, simplement pour accélérer le processus d'évolution de la matière du corps physique de l'homme, OK, va réincarner, c'est-à-dire va recréer un individu à partir d'un corps qui est mort, d'accord? Oui, d'accord, avec un corps mort. Et puis, l'astral de la planète, toutes tes mémoires, tout ça, OK, t'en as une partie de toute façon de ton astral qui va être conservée par ta mémoire génétique. La mémoire est aussi chimique. La mémoire qu'on connaît, là, est aussi chimique. Bon. À un moment donné, ta mémoire astrale, tu reviens au monde, donc tu... Les deux personnes qui ont créé cet individu-là, ce bébé-là, sont déjà en voie de réincarnation dedans l'individu, dedans le bébé. La réincarnation de l'identité même de la personne. OK? L'identité physique, l'identité vitale, puis tu as des maladies à un moment donné, tu as une identité karmique aussi qui va se lier au nouveau bébé. Des maladies qui peuvent être transmises de génération en génération, des maladies que le parent avait, puis à un moment donné, transfère à l'enfant, des craintes, des peurs, mais... ces craintes, ces peurs-là, ça devient une réincarnation, si on pourrait dire, on parle pas de corps, là, mais astral. Alors, ce qui fait que t'as ton nouveau physique avec ton nouveau vital qui vient, lui, OK, des deux parents. Il y a déjà un processus de réincarnation qui est commencé. Toi, quand tu meurs, ton vital réintégré à la planète, la mémoire elle-même du phénomène de ta mort est là. Mais présentement, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, est déjà enregistré dans l'astral de la planète, dans la mémoire planétaire. Okay? Cette mémoire-là, c'est la mémoire de l'homme aussi. Donc, l'homme y a accès, continuellement, par des livres, par des idées, par des vues, par un paquet de phénomènes. Okay? Par des histoires racontées, par des objets, bon, des choses du passé, etc. Cette mémoire-là, c'est pas quand tu meurs qu'elle retourne. Elle est tout le temps là. Le fait qu'on parle présentement, tout ça est enregistré là-dedans. C'est pas quand je vais mourir que ça s'en va là. OK? Cette mémoire-là, ben, à un moment donné, mon individu qui vient de renaître à partir de la mémoire physique, mémoire génétique, mémoire vitale, va avoir un apprentissage. D'accord? Il va avoir une éducation qui est liée évidemment à la famille, qui est liée à son entourage, qui est liée de toute façon à la psychologie de la planète. OK? Puis concentré dans la région où il vit, puis c'est normal. Ton individu, ben, il finit lentement par avoir un astral qui est pas nécessairement celui des parents, parce qu'il est quand même mélangé avec d'autres choses. Et puis, lui, il va mémoriser aussi les événements de sa vie. Bon, ce qui fait qu'à un moment donné, tu as un nouveau corps astral qui se développe de plus en plus, tu as des nouveaux concepts, tu as une nouvelle mémoire, typique à cet humain-là, qui est relié quand même à tout ça. L'homme construit toujours sa vie, la base de sa vie sur le sommet de la vie des autres, hein? Bon. Alors, automatiquement, il y a un transfert de mémoire, il y a un transfert de bagages au niveau psychologique aussi. Comme il y en a eu au niveau physique, il y en a eu au niveau vital. Bon. Au niveau mental, le corps physique a eu de plus en plus un raffinement au niveau du cerveau, au niveau des neurones de l'homme. D'accord? Au niveau aussi de la vitesse avec laquelle les informations peuvent être transférées, c'est-à-dire que de chimiques qui sont passées à électrochimiques, présentement, le fonctionnement des neurones, s'en va pour être complètement électrique. Le bébé qui naît, lui, a automatiquement, parce qu'une chose qui est importante aussi, c'est que tout ce que toi, tu acquiers dans ton code génétique, c'est transformé de l'intérieur, d'accord? Maintenant, seulement les choses qui sont psychologiques, les choses qui sont neurologiques. Je veux dire par là, c'est que si tu te coupes un bras à un moment donné, ben c'est pas enregistré dans tes gènes. Si t'as un enfant par après, il lui manquera pas un bras à sa naissance. OK? Sauf que les phénomènes neurologiques, neurogéniques, générés par tout le cerveau, ces choses-là transforment lentement le code génétique de l'homme. Ce qui fait que chaque enfant qui naît, OK, est premièrement plus apte à être plus intelligent, je parle intellectuellement, que ses parents, plus apte cérébralement, et en plus, il naît dans un monde qui est plus apte à lui fournir ce qu'il a besoin pour pouvoir mieux se servir de ce qu'il y a maintenant au niveau physique. Bon. Alors, ton individu qui vient de naître a une réincarnation de toutes les générations qui viennent depuis que l'homme ressemble à ce qu'on est ici sur Terre. OK? Et puis, ça forme le corps qu'on a présentement. Psychologiquement parlant, tu as toute la mémoire de la planète qui lui est donnée. Lui, il a la capacité de se servir de certaines parties de ces mémoires-là. C'est normal, il ne peut pas avoir accès à toute la planète au complet. Il n'a pas l'intellect pour ça. Puis comme tout à l'heure, on parlait de c'était quoi la préparation, il n'est pas préparé à ça. Il serait contrôlé complètement par les forces astrales de la planète. Il ne peut pas. C'est une protection qu'il a. Qui lui donne, on en reviendra là-dessus. Ton bonhomme a un mental, un système neurologique de plus en plus près, plus l'évolution de la race avant. Bonhomme-là a aussi un domaine extérieur à lui de plus en plus intellectuel, donc le corps mental, la partie mentale de ton homme progresse continuellement. Alors, on parlait du phénomène supramental. C'est d'ailleurs là que tu veux qu'on en revienne. Le phénomène supramental, c'est quelque chose qui baigne déjà partout ici. Tant que l'astral domine sur la parcelle de mental, on revient encore au phénomène d'être prêt. Prêt à, à fusionner, prêt à avoir un contact, prêt à avoir assez, être prêt. Dans ton évolution de tout ton bonhomme au complet de ton enfant qui grandit, qui arrive à un état adulte, si l'astral, puis de moins en moins d'ailleurs, l'astral va pouvoir contrôler le mental, par contre, l'astral va être capable de se servir du mental pour avoir encore plus rapidement, puis de meilleure qualité ce qu'elle veut avoir. Il y a un moment donné où c'est que ton mental, par vibration, tous ces corps-là vibrent de plus en plus vite, de plus en plus, on pourrait dire parfaitement, mais c'est pas parfait, de plus en plus vite simplement. C'est plus pur, c'est plus rapide. Okay? Alors, ces corps-là vibrent de mieux en mieux, ce qui fait qu'à un moment donné, ils vont se rapprocher de d'autres formes d'énergie qui sont déjà là. C'est comme si tu changeais de poste lentement. Okay? Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ces formes d'énergie-là vont commencer à pouvoir venir traverser le corps mental. Ou si c'était mieux, ils traversent présentement encore, mais à un moment donné, en traversant, ils vont pouvoir élever certaines vibrations mentales, parce que ces vibrations-là sont presque similaires à la force qui les traverse, qu'on appelle le supramental. Si l'énergie qui est toujours là, qui est toujours présente, comment ça se fait que ça ne pénètre pas plus que dans 1% du cerveau? Bon, ça, 1% du cerveau... Einstein, il y avait 2%. Oui, on est supposé avoir 10%, Einstein avait 30%. Non, c'est que ça pénètre dans énormément d'autres parties du cerveau. La seule chose qu'il y a, c'est que présentement, le cerveau de l'homme, il a beau être gros, mais l'homme n'a pas la capacité de pouvoir prendre conscience des autres parties du cerveau. Mais il n'y a rien qui dit que ces énergies-là ne traversent pas 100% du cerveau humain, sauf dans quel pourcentage ou dans quelle partie du cerveau humain que ces énergies-là peuvent laisser leur trace. Présentement, ça peut être, à un moment donné, tu vas dormir, puis tu vas avoir certaines choses. Okay? Il y a une partie de ton cerveau, il y a une partie de ta psychologie qui est normalement mise en action pendant ton sommeil, qui, elle, peut être teintée. Mais consciemment, elle peut ne pas l'être à cause, simplement, ou encore elle peut l'être, mais toi, ton astral domine tout le temps parce que tu as trop de problèmes, tu as trop d'excitations extérieures qui vont toujours perturber la possibilité mentale de se rendre compte de quelque chose. Je vais donner un exemple. Quand l'énergie supramentale te touche, c'est la même chose que si tu avais, la même chose, là, faut s'entendre, là, mais c'est la même chose que si tu avais un contact physique. On a des sens, OK? On en a un certain nombre. Mais le fait que tu ne portes pas attention, le fait que tu ne sois pas équipé pour porter attention à certains sens, fait que ces sens-là, pour toi, n'existent pas. Bon, alors, quelqu'un va rentrer dans une pièce, puis toi, tu l'entends, l'autre, il ne l'entend pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as un raffinement cérébral qui fait que la moindre petite chose est perçue, c'est perçu par tout le monde, mais la moindre petite chose, ton cerveau le sait. Alors, si par exemple, tu surveilles une base de décollement, par exemple, de fusée Polaris d'interception pour les missiles russes, ben toi, tu lis un livre. Puis à un moment donné, il y a un cadran qui s'allume. Il y en a bien qui ne le verront pas, le cadran. Mais toi, tu lis, puis hop, tu suites tes bras qui dessus. Alors, simplement, c'est que présentement, tu as des énergies qui traversent le monde, il y en a qui ont des intuitions, il y en a qui ont des flashs, il y en a qui ont un paquet de choses, mais leur cerveau est pas préparé. Leur cerveau est pas assez rapide. Le cerveau, à un moment donné, il va en arriver là. Le cerveau n'est pas prêt. Les vibrations qui sont émises par le mental de l'homme sont pas encore assez élevées, sont pas encore assez raffinées pour pouvoir détecter le passage d'une énergie qui serait supramentale. Si l'énergie arrive massivement, si par exemple tu tomberais dans un endroit où c'est une concentration d'énergie supramentale, ben là évidemment le cerveau il peut être passé, puis il peut s'en rendre compte, il n'aura pas le choix. Si toute la base saute, le gars il va arrêter de lire son livre, s'il va bien se rendre compte qu'il se passe de quoi, mais le gars risque de sauter avec. Bon, c'est imagé là, mais c'est ce que ça donne. Ce qui fait que ben le dépendant des cerveaux, ben il y a des choses que certains individus sont prêts à vivre. Puis tout le monde est pas prêt dans le sens que parce qu'il est pas prêt, il ne vivra pas parce qu'il n'y a pas le choix. L'être humain structure présentement son cerveau. L'être humain ne le structure pas, mais l'être humain a un cerveau qui est de plus en plus structuré. Et pour être de plus en plus structuré, ça prend des formes pour monter une structure. Ah ben oui, c'est évident. C'est quoi la meilleure forme supramentale? La meilleure forme supramentale, c'est la forme astrale. Supramental va se servir de la forme astrale parce que présentement l'individu est astral. L'individu vit de par la forme astrale, puis le supramental a beau jeu, il va simplement employer. Mais il connaît la forme astrale, c'est tout parfait. Alors les individus qui vont lentement être en contact avec les forces supramentales vont employer l'astral, c'est normal, pour pouvoir contrôler les individus. Son individu est toujours contrôlé par l'astral. Ça change pas grand-chose, sauf que là, c'est un astral qui va être contrôlé par une force intelligente, au lieu d'être contrôlé par une autre force astrale, par l'astral lui-même. Alors, les individus vont être amenés à vivre, à rencontrer certaines choses qui vont les amener de plus en plus à développer leur phénomène de discernement, c'est-à-dire à développer leur mental, puis à développer la capacité que peut avoir le mental à travailler seul en excluant toujours le phénomène astral. Tu détruis pas l'astral. L'astral, c'est une chose qui est utile. Mais à un moment donné, il y a des choses qui sont mentales. Faut pas que l'astral vienne teinter ça. Il y a des choses qui sont astrales. Faut pas que le mental vienne teinter ça. Si on définit les termes, là, pour que ce soit bien compréhensible, l'astral, c'est quoi pour toi? Bon, mais l'astral, oui, c'est ça. C'est quoi pour moi? C'est un terme... C'est pas d'air, c'est pareil... Non, c'est pas tout à fait pareil pour tout le monde. Hélas. La première définition du mot astral qui aurait pu être donnée, c'est le corps des émotions. Bon. D'autres ont employé le terme astral pour le pousser un peu plus loin, jusqu'à un moment donné où l'astral devient la mémoire. Tout ce qui est mémoriel, c'est astral. En réalité, l'astral, c'est un autre phénomène dans lequel peut s'insérer, c'est le seul corps, le seul phénomène dans lequel peut s'insérer la mémoire. L'astral, c'est pas la mémoire. Mais la mémoire peut pas faire partie d'autre chose que l'astral, parce qu'il y a seulement dans l'astral que la mémoire peut être fixée. Alors l'astral, c'est pas le corps mémoriel. Le corps des émotions, mais l'astral se rapproche beaucoup des définitions du corps des émotions, quoi que les émotions sont créées par la mémoire. L'astral, c'est pas non plus le corps des émotions. C'est une chose, un corps, une vibration. On a toujours des corps, là, en rapport au corps physique, là, c'est imagé encore une fois. L'astral, c'est quelque chose qui est pur, qui est bien correct, qui est bien parfait, qui s'engendre merveilleusement bien avec d'autres formes d'énergie, qu'on appelle mentale ou qu'on appelle vitale, en connexion avec le physique. Sauf que c'est on pourrait dire ça, les impuretés, la mémoire, les émotions, qui sont une réaction de la mémoire, mais qui, en fin de compte, suscitent d'autres mémoires, mémoires émotives. Une mémoire qui est expérimentale, mais à un moment donné, t'as aussi t'as des mémoires qui sont émotives. De par l'expérimentation, mais quand même, qui différencie d'autres choses. T'as plus peur d'un fait, mais t'as peur d'avoir peur d'un fait. T'as peur, en tout cas, tu veux désirer telle joie, mais c'est plus une chose qui est matérielle, c'est quelque chose qui devient de plus en plus abstrait. Alors, ça teint ton astral. Puis, l'astral a souvent désigné le corps et des émotions ou encore la mémoire. Mais l'astral, c'est quelque chose d'autre chose, c'est quelque chose d'autre. C'est une entité, on pourrait par exemple dire, aussi pur que ton corps physique, s'il n'y a pas toutes les cochonneries, s'il n'y a pas de maladies, s'il n'y a pas de nicotine, s'il n'y a pas d'un paquet de cossins dans le corps physique, mais le corps astral, c'est quelque chose avec, qui est vibratoire, qui est absolument important, qui n'est pas à détruire. Mm-hmm. Par contre, l'astral a certains défauts, si on pourrait dire, c'est le fait qu'il, par exemple, il va s'incruster de mémoire, il va s'incruster de mémoire qui crée des habitudes. Oui, ben la mémoire, l'habitude peut pas être autrement que mémorielle. C'est le fait de répéter la même chose. T'as pas de mémoire. De toute façon, même si tu répètes la même chose, c'est pas une habitude. Mm-hmm. C'est peut-être pour ça que c'est si dur de découvrir ce qui n'est pas encore découvert. Ben, ce qui arrive, oui, ben c'est parce que non. L'habitude t'empêche pas de découvrir ce qui est pas découvert. Mais le fait que tu sais pas tout d'une claque, ben le fait que tu recherches, qu'en recherchant, tu es limité automatiquement par le parce qu'il te permet de rechercher. Alors, en l'occurrence, présentement, ton corps physique ici. Fait que tu peux pas tout connaître, ça va de soi. Puis en plus, si toutes les interprétations que tu as du corps astral, parce que le corps astral, quand même, c'est son extension, le corps astral, mémorise certaines choses. C'est-à-dire que dans le corps astral peut s'incruster une mémoire. Cette mémoire-là finit, elle, par susciter des émotions. Ces émotions-là finissent par, on finit par adapter le corps physique à avoir des perceptions, à avoir des périphéries qui lui permettent de ramasser des données pour toujours rassurer. OK, tout à l'heure, je t'ai expliqué au début comment ça allait au niveau de la peur, là. Alors, pour rassurer toujours le phénomène mémoriel, l'émotionnel du corps astral. Alors, ce qui fait que tes sens sont reliés à l'astral, tes sens sont typiquement là pour servir l'astral, tes sens sont astrales. Certains disent de l'astral également que c'est ce qui anime la matière. C'est la force qui anime la Ouais, mais matière. là, faut faire attention. C'est-à-dire que, ouais, c'est vrai puis c'est faux. Ça dépend simplement de quel point de vue la personne se place. Ce qui fait que la matière est matière, c'est le corps vital. Bon. Puis évidemment, c'est le corps matériel. C'est les deux ensemble. Ce qui anime la planète Terre, c'est-à-dire ce qui présentement dirige, contrôle à peu près tous les phénomènes qui puissent arriver sur la planète Terre, c'est le domaine astral. De ce côté-là, c'est vrai. C'est de moins en moins vrai, parce qu'il y a le domaine mental qui commence à prendre le dessus, sauf que présentement, ben, le domaine mental est encore toujours assujetti à l'astral. C'est-à-dire que le domaine mental travaille en fonction de mieux servir l'astral. Phénomène émotif de l'astral. Comment se détacher de ces émotions? Ben, vois-tu, c'est que le fait de vouloir détacher des émotions, ça est déjà une émotion. Si je désire ne plus désirer, ben, je désire déjà en partant, alors ce qui fait que si je veux me détacher de quelque chose, ça va automatiquement engendrer le fait que je veux ne pas me détacher. En tout cas. Bref. Si je veux m'en détacher, je veux m'en libérer, ben, je veux pas rester pris avec. Bon, ben, ça va créer automatiquement encore une autre peur, un autre stress, une autre crainte, qui va engendrer une autre émotion, ce qui fait que si tu veux te détacher des émotions, ben, t'es bien mal parti, t'es déjà en train de te lier à eux autres. Et comment te libérer de tes Ah émotions? ben, à un moment donné, t'es libre. Comment t'es libre? Parce que tu l'es. Il y a une conférence que je fais 3 semaines, dans je sais plus combien de temps, c'est la psychologie de la libération. C'est justement de ça qu'on va parler. On est toujours trop tôt à soir. Oui. M'asseoir, c'est quand même un résumé. Mais tu peux pas arriver à te libérer. Tu peux être libéré. Tu peux être attaché. Si tu dis tu peux être libéré, cela sous-entend C'est ce que que je dis c'est souvent. quelque chose qui te libère, ou c'est quelqu'un, ou c'est des forces qui te libèrent. Si Non. tu dis tu peux Là, être je libéré. parle que tu peux être libéré, puis je parle de ça à un individu qui dit que lui, il veut se libérer. Alors, vu que je me mets dans la compréhension qu'il a, lui, d'être prisonnier, ben, je peux pas lui expliquer autrement qu'en me mettant dans sa propre compréhension, dans son propre monde. Si je dis à cet individu-là qu'il se sent attaché, puis qu'il est pris par les émotions, qu'en réalité, il est pas pris, qu'il est pas attaché, puis qu'il a rien qu'à être libre. Ben, c'est comme ceux qui recherchent à être heureux. Quand je leur dis, ben merde, arrêtez de vouloir être heureux puis soyez heureux. Ben, c'est pas compris. C'est joli, c'est bien dit, mais ça libère pas. Parce qu'il n'y a pas toute la compréhension qui va avec ce que je dis. Alors, t'as libéré de tes émotions, ben, à un moment donné, t'es libre. Puis, moi, ce que je vais parler de la troisième prochaine conférence, la psychologie justement de la libération, c'est tous les phénomènes qui laissent croire à l'homme qui est libéré du phénomène lui-même. Alors, il y a quelque chose qui dit à l'homme que l'homme est libre de ce quelque chose-là. Puis l'homme ne peut pas être libre. Puis quand l'homme veut être libre, c'est encore sur quelque chose-là qui fait signe à l'homme qu'il faut qu'il se libère. Il est toujours contrôlé, toujours pris. C'est compliqué. C'est pour ça que j'en fais une complète 2 heures là-dessus. C'est parce que c'est quelque chose. C'est quoi, c'est quelque chose? C'est le phénomène émotif pour l'instant, le phénomène astral. Phénomène physique aussi un peu, mais présentement, surtout le gros problème de l'homme, C'est pas tellement le phénomène physique ni le phénomène vital, c'est le phénomène astral, le phénomène des mémoires astrales, des mémoires humaines, de l'émotivité, des émotions. Puis le contrôle qu'a tout cette impureté-là astrale sur la possibilité du travail mental de l'homme. Puis quand le mental de l'homme a fini par être libre, ben à un moment donné, il va commencer à être teinté par un autre phénomène qu'on appelle le phénomène supramental. L'homme est encore assujetti à d'autres forces, l'homme est encore sous le contrôle, mais c'est des forces qui sont de plus en plus intelligentes qui vont contrôler l'homme. Le supramental, c'est toi? Ça fait partie de... Je sais pas que c'est toi. Ben, je la réponds oui, là, mais en tout cas, c'est pas ça la question. Le supramental fait partie de toi? Le supramental, c'est comme de l'eau dans l'océan. Fait que ça baigne chaque goutte d'eau. C'est tout mélangé à ça. Le supramental, c'est une forme d'énergie qui est ici présentement, qui à un moment donné peut être concentrée comme la forme astrale peut être concentrée. Tu peux finir par penser à un cheval, penser à une table, par exemple, à un moment donné, puis réussir à la fabriquer matériellement, ta table. Bon. Alors, le phénomène astral aussi, le phénomène supramental, c'est quelque chose qui baigne, qui est dans l'univers. C'est pas quelque chose qui, à un moment donné, tu vas aller prier dans une église, puis qui va descendre sur toi. Exactement. C'est ce qui est. C'est toujours ce qui est. C'est il peut être concentré. Est. Il va l'être de plus en plus concentré. Et l'être humain qui est. Oui. Est quoi? Ben, il est. Tu l'as dit toi-même. Il est quoi? Il est. Il est. Ben oui, je peux te dire ce qu'il est pas, mais je peux pas te dire ce qu'il est. Il est. Ou si tu renverses la chose, est-il? Est-il? S'il est, il est. Ouais. Non, l'être humain, il est. Est. Bon, ça exclut simplement tout le vocabulaire qu'on a pour le définir. Parce que ce vocabulaire-là, c'est un vocabulaire à polarité. Bon, l'homme parle, ses paroles sont toujours polarisées. Par des émotions, par des impressions, par des idées, par des concepts, par des interprétations. Alors, si quelqu'un est dans la réalité même de son état, de son fait, là, qui est présent là, tous ses corps en sont conscients, la personne, elle est, puis on ne peut pas tellement définir. Je peux te dire qu'elle n'est pas pure, qu'elle n'est pas sale, qu'elle n'est pas Dieu, qu'elle n'est pas l'univers, qu'elle n'est pas petite, qu'elle n'est pas grande, qu'elle n'est pas loin, qu'elle n'est pas proche, qu'elle n'est pas haute, qu'elle n'est pas basse. Mais en fonction de la conscience, ça veut dire tellement de choses pour tellement de religions, tellement de philosophies. On est loin en tabarouette du phénomène d'être, du phénomène de compréhension totale. On essaie de l'expliquer, mais en l'expliquant, on ne peut pas faire autrement que d'interpréter un fait. Quand tu prononces le mot « regarde le beau cheval », ben cheval, en partant, c'est l'interprétation de l'objet que tu veux que je regarde. Ça peut pas être l'objet. Oui, mais ça regarde... Ça peut pas être un état non plus. Ouais, mais regarde comme les anciens, disons, un exemple, qui ont donné les bases sur l'astrologie. Oui. Ils regardaient telle planète, Vénus. Mm-hmm. Ils prenaient leur conscience et ils projetaient leur conscience et effectivement, ils voyaient tout ce que la planète dégageait. Là, ouais. Il revenait, mais il revenait sans être parti. Hein? Il revenait et il donnait les bases de l'astrologie. Ouais, mais encore là, ça dépend toujours du point de vue ce qu'on se place. Parce que ces bonhommes-là projetaient leur conscience. Mais il n'y a rien qui dit non plus que la connaissance ne leur était pas projetée en une phase. Puis qu'eux autres s'imaginaient qu'eux autres, ils projetaient leur conscience. Bon, je veux dire, c'est qu'à un moment donné... Ces individus-là étaient capables de projeter leur conscience pour aller voir Vénus, mais ils n'étaient pas capables de projeter leur conscience pour essayer de voir ce que la femme faisait pendant ce temps-là. Parce qu'elle était tannée de les voir projeter leur conscience sur Vénus. Il y a des choses que ces hommes-là ont pu savoir à un moment donné. Il y a des connaissances qui ont été transmises à l'homme. Mais de là savoir si l'homme se projetait ou quelque chose comme ça pour aller voir. Ça, c'est intéressant. Pourquoi qu'on cherche l'éternel? Ben, parce qu'on sait qu'on est immortel. Alors, vite, c'est facile à voir, vraiment. Ouais, mais c'est ça. Mais pourquoi qu'on cherche l'éternel, mais qu'on ne s'occupe pas de ce qui est mortel à côté de nous? Ben, vois-tu, la simple raison que ce qui est mortel, on peut pas s'en occuper dans le sens que ce qui est mortel va mourir. Si on essaye d'aller voir quelque chose que, selon notre conscience, peut être immortel en comparaison avec nous autres-mêmes qui est mortel, on a découvert l'immortel parce qu'on s'est rendu compte qu'on mourait. Ben, en recherchant quelque chose d'immortel, on s'imagine automatiquement que si elle est différente de nous autres, elle est automatiquement supérieure à nous autres. Si elle est supérieure à nous autres, ben peut-être qu'elle peut venir nous aider. Bon, fait qu'on passe nos vies à pas vivre, mais avoir peur de la mort, ouais. Parce que je parle de l'époque, aujourd'hui, on commence maintenant à oublier ça. Ouais, on a peur pareil, sauf qu'on le relègue. Ouais. On en a peur. T'as peur de la mort si tu vis dans d'une certaine forme d'ignorance. Ouais, mais à un moment donné, quand tu te rapproches de la mort, on en reparlera. Si la mort, si tout est vivant, la mort Si, n'existe si, pas. oui, mais c'est ça, c'est si. Tant que ton concept, s'il croit, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas peur. Mais C'est quand tu ça. commences à Si mourir, tu vas tu dire, si tout est crois. vivant, puis moi je meurs, Exactement. Mais si tu sais. ben, si tu sais, il y a des fortes chances que tu ne meurs pas. Si tu sais, tu es. Il y a des fortes chances que tu ne meurs pas. Exactement. Fait que toi, t'as plus le problème Mais de ça, c'est la intellectuel conscience en de la moi, tout ce qu'on mort. dit là. Pas tellement utile pour grand monde. Fait que revenons à la Terre. À un moment donné, des choses qui vont se passer, sauf qu'en attendant, faut pas qu'on parle du but. Ben, du que certains appellent le but. Faut pas qu'on parle non plus de certains états qu'on va passer avant d'arriver à là. Faut qu'on parle de l'état présent. Oui, puis non, faut pas Ouais. parler du but. Parce que On engendre des si tu désirs, ne on parles pas crée du des... but, c'est comme si tu dis Vendetta de salade. tu veux aller acheter quelque chose dans un magasin à Montréal, mais tu pars, mais tu sais même pas où. Et c'est Ce qui est justement. Montréal, fait que tu pars où, tu vas tourner en rond longtemps. Oui. Si tu as un but, tu sais exactement où aller, tu y vas directement. Oui, mais une chose qui est importante, c'est que ton but, par exemple, c'est Dieu. Tu pars, tu t'en vas chercher Dieu. Mais tu sais qui Dieu? Tu sais pas c'est qui Dieu. Tu l'as jamais vu, tu le cherches. Si tu sais pas c'est qui Dieu, comment tu peux savoir que ce que tu vas trouver, ça va être ça? Tu le sauras jamais. Même si tu le trouves, tu pourras pas le savoir parce que tu sais pas c'est qui Dieu. Je dis souvent, moi, je présente souvent ça que mon bonhomme, là, justement, qui s'allume une chandelle, puis là, qui cherche du feu dans la noirceur pour accueillir son repas. Mais s'il avait su c'était quoi le feu, il aurait pu, tu sais, bon, ben, tu pars pour aller chercher un but. Moi, je veux pas vendre de salade, pour la simple raison que le monde, ils sont libres. Je commence à vendre de quoi? Je crée une autre forme, je crée encore un paquet de choses, des concepts, je leur inculque un paquet d'affaires. Ils vont me suivre, c'est bien beau, mais la compréhension viendra jamais du fait que ce monde-là me suive, même si j'aurais la réalité ou la vérité avec moi. Parce que moi, je vais l'avoir, pas eux autres. Moi, quand ils vont mourir, eux autres, ils vont tout broyer. Puis eux autres, leur connaissance va toujours s'arrêter. Leur possibilité d'enseignement, leur possibilité d'inculquer dans leur vécu, toutes ces connaissances-là, ça va toujours s'arrêter, ça, au maximum de ce qu'ils ont pu mémoriser, de ce que moi, j'ai pu dire. Alors, ce qui fait qu'en partant, ils sont toujours pognés. Parce que même si tu aurais une limite, mettons, tu as une limite de cerveau de 10%, mais c'est une limite. Si ils servent de 100% de leur cerveau, c'est encore limité. Ben, c'est une limite si tu crois justement que c'est une limite. Oui, mais Si même tu si tu sais. crois pas que c'est une limite, t'empêche pas que c'est une limite pareille. Tu marcheras pas plus sur l'eau. Et si tu comprends pas ce que je te dis parce que t'es venu Il y en a acheter ma beaucoup qui l'ont salade, fait. ben, oui, mais il y en a beaucoup qui sont noyés. Ceux qui l'ont fait, ben, ils m'ont dit franchement, ça pas dire qu'ils ont compris de quoi. Ceux qui l'ont fait, c'était quand même des êtres très intelligents qui avaient une grande conscience. Ce n'est pas le fait de dire que tu passes beaucoup de temps. On a vu des saints faire de la lévitation à Torvis, hein, parce qu'ils tripaient sur un passage de la Bible. Il m'a dit franchement, entre faire de la lévitation, marcher dans l'air ou marcher sur l'eau, pas grande différence. Puis le gars t'es pas plus intelligent pour ça. Il y en a qui dorment puis se ramassent le temps au-dessus du lit. Ils flottent au-dessus de l'eau avec. Puis ils se réveillent, ils ont peur en maudit. Ils sont pas plus intelligents parce qu'ils flottent. Il y a des résultats qu'il faut pas interpréter avec le phénomène qui devient Regarde, toi, qui suit une évolution. tu fais beaucoup des arts martiaux aussi. Mettons, je fais. Dans le sens de pratiquer, oui. Ouais, ou tu pratiques beaucoup des arts martiaux. Tu vois, dans le zen, le tir à l'arc. Ouais. Je peux tout t'expliquer la Le philosophie, tout ça. tir à l'arc, le but ultime du tir à l'arc est que la cible, la flèche, l'arc, la corde et l'archer deviennent un. C'est le but ultime en parole. Puis, tant que c'est un but, c'est le but pour ceux qui ne comprennent pas. C'est le petit bonbon qu'on leur donne, petit bonbon astral, qu'on pourrait dire qu'on leur donne pour les amener à venir tirer de place sur les cibles d'une école de zen. Ça amène des disciples, ça finance l'école, puis de temps en temps, il y a certains individus là-dedans qui, effectivement, vont réussir à percer, pas la cible, mais à percer au niveau de leur domaine psychologique, puis ils vont commencer à comprendre un peu plus loin. Bon, je suis d'accord. Sauf que ça, c'est quelque chose qui va avec une certaine philosophie, une certaine psychologie. Les arts martiaux, normalement, le combat se fait entre l'individu qui pratique et lui-même. Mais il rentre jamais dans un dojo, puis il va jamais dans des compétitions au Jeux du Québec ou des compétitions de karaté ailleurs. Puis il va pas voir un film de karaté. Avec la philosophie, ils l'ont loué un crime. Ils la représentent en termes de dollars, en termes de cassage de gueule. Alors, ce qui fait que la philosophie de quelque chose, c'est beau en parole, puis la parole, c'est quoi? La parole, ça crée des remous, ça fait certaines choses à cause de l'interprétation que les oreilles qui écoutent ont de ces paroles-là. Mais ça transforme pas la parole en quelque chose de réellement vécu. Très, très rare que ça va arriver. Alors, même si on parle de moi, je vends ma salade, le monde y vient, le monde m'écoute, il y en a certains parce qu'ils sont prêts. Il y en a qui vont réussir à percer, qui vont réussir à comprendre, qui vont réussir à augmenter leur vibration mentale à un moment donné pour pouvoir capter une vibration supramentale. Ils vont réussir ça lors d'un accident d'auto. Il y en a un autre qui va réussir ça, lui, en faisant une chute du toit de sa maison. Il y en a un autre en chicanant avec sa femme. Il y en a un, lui, s'en trouvait à ses bas sales dans le fond de son tiroir. Il y en a d'autres sans m'écouter. Mais si je vends ma salade, le gars qui va comprendre en fouillant dans son tiroir, s'il est ici à soi, il fouillera pas dans son tiroir, puis il manque son coup. Si moi j'en parle, puis le monde vient de plus en plus, à un moment donné, ben il y en a peut-être un là-dedans sur ça qui, à un moment donné, c'était ça qu'il avait besoin, mais ça, personne ne peut le savoir. Alors moi, je fais comme l'école Zen. Sauf que je peux pas du tout aller dire à tout le monde, ben venez tirer de l'arc avec moi. Un tel est arrivé à tel summum, puis vous allez peut-être arriver là. Mais on peut pas faire ça. C'est ridicule, on crée encore des formes, Non. À un moment donné, l'homme, les formes, il va falloir pas qu'il les détruise. Quand on dit détruire une forme, tu détruis pas la forme. Mais tu la comprends, la forme. Quand la forme est comprise, la forme est plus dangereuse pour toi. On peut ainsi dire qu'elle est détruite. C'est-à-dire que le danger pour toi est inexistant. Bon. Mais les formes, ça sert à rien de permettre à l'homme de s'en faire d'autres. Je pense qu'il y en a déjà assez comme ça pour s'amuser. À un moment donné, il va falloir que l'homme soit qu'on se serve des formes déjà établies sans créer d'autres, pour pouvoir faire comprendre, ou pour pouvoir lentement transmettre la possibilité que ces formes-là peuvent être comprises, on peut éliminer le danger contre ces formes-là. Parce que ces formes-là n'existent pas. Vu qu'elles n'existent pas, mais si on les calcule comme étant réelles, existantes, puis opérationnelles, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire de quoi dans nos vies, ben là, on est assujetti à de l'illusion. C'est là qu'est le danger. Quand on parle de détruire les formes, on ne veut pas détruire les formes. Grim, la table, c'est une forme, moi, c'est une forme, les paroles, c'est une forme, on ne détruira pas le langage des sonnets. Mais à un moment donné, quand c'est compris, ça peut plus influencer, ça peut plus perturber l'astral. Et puis, quand l'astral est purifié, la mémoire est éliminée. T'as plus de mémoire, t'as pas détruit, c'est un phénomène normal, t'as plus. Bon, ton astral est pur, les paroles, ces choses-là, ben, c'est un moyen de communication qui va être employé, mais qui va l'être de moins en moins quand l'homme va commencer à purifier son astral, parce que le mental n'aura pas de besoin non plus. Puis les formes, on les détruit pas. Les formes vont être adaptées à quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. Mais les formes ne seront pas détruites, vont être perfectionnées. Mais on n'est pas là pour en créer des formes. Les individus vont en créer eux-mêmes. On n'a pas besoin de se casser la tête. Mais on n'est pas là pour vendre de salade ou quoi que ce soit. Ce ne sera pas à peine pantoute. On utilise tout le temps les formes. Celui qui comprend pas la forme est utilisé par la forme. Celui qui comprend la forme utilise la forme, puis celui qui est en train de comprendre utilise, puis se fait utiliser. Ben, il faut à un moment donné qu'on utilise les formes. Il faut pas que l'astral, ben, à un moment donné, c'est ça qu'il y a, l'astral commence à utiliser les formes parce que le mental commence à comprendre. Mais c'est à cette époque-là que la forme domine l'homme, que l'homme essaie de contrôler la forme. Il y a un moment donné où c'est que la forme est plus dangereuse qu'elle soit contrôlée par l'homme, parce que l'homme comprend la forme. Puis l'homme qui comprend la forme n'est pas contrôlé par la forme, donc il n'est pas contrôlé par la mémoire, il n'est pas contrôlé par les mots, il n'est pas contrôlé par la vision, par l'interprétation qu'il a. Il n'est pas contrôlé par ses sens, il n'est pas contrôlé par l'astral. Lui comprend les formes, c'est un gars qui n'est pas dangereux. Tu tiens l'en mot, ça terre. On s'en sert des formes, c'est bon. Comment rendre ta vie utile? C'est nécessaire de rendre ta vie utile. Es-tu utile? C'est quoi rendre ta vie utile? C'est quoi rendre ta vie utile? Ben, moi, franchement, moi, ma vie, si je la vis, c'est utile. Pour qui, ça n'a aucune importance. Je suis là, je la vis comme elle me plaît, comme ça me tente. Puis ma vie, j'ai pas besoin de savoir si c'est utile ou non, ma vie. Et si tout le monde vit sa propre vie, moi, franchement, je pense que si on regarde le phénomène d'utilité, ça va être drôlement plus utile pour tout le monde. Mais j'ai pas à essayer de rendre ma vie utile. C'est inutile. Ça sert à rien. Perte de temps. Pas là pour les autres. Ça revient toujours à soi. On n'a pas le choix. La seule chose que je peux commencer à comprendre, c'est moi. Quand même, ben, c'est moi. C'est par rapport à moi. Quand je vais réussir à me comprendre moi, tout le reste n'existera plus non plus, puis moi non plus. Ça sert à rien de vouloir comprendre les autres. Si j'étudie un autre, je découvre dessus l'autre, ce qui est moi. Si je suis assez conscient de m'en rendre compte, au lieu de brimer ou de blâmer ou de vouloir imiter, ben, je vais me découvrir. Mais c'est normal que c'est moi. L'énergie, c'est quoi pour toi la différence entre l'énergie de la parole et la lumière du supramental? Ben, c'est bien, bien, bien différent. La lumière, ouais, mais encore là, c'est des paroles. L'énergie de la parole, c'est simplement la possibilité qu'a un mot d'engendrer une transformation à l'intérieur d'une compréhension psychologique. Ça veut dire que l'énergie de la parole, c'est la possibilité qu'a mon mot de t'influencer toi, OK, dans ta mémoire psychologique, dans ton mental conscient. Autrement dit, si je t'insulte, ça peut créer certaines choses en toi parce que ça va influencer justement ta mémoire humaine, ta mémoire astrale, ton conscient, c'est-à-dire ce que tu fais avec ces mémoires-là. L'énergie de la parole va surtout engendrer ça à l'intérieur des individus. Bon. L'énergie pas de la parole, mais l'énergie de la voix, qui porte la parole, c'est autre chose. Bon. La lumière supramentale, on pourrait parler de lumière, c'est toujours en termes de comparaison, là, lumière, ça éclaire. C'est une énergie qui descend à l'intérieur de toi, OK, puis qui te libère de l'incompréhension, on pourrait dire de la noirceur, qui te libère de l'incompréhension sur le moment même où la lumière passe. Quand ta lumière passe plus, tout ça a été enregistré par ton astral, transformé en expérience. C'est plus une lumière supramentale, c'est de l'expérience. Ça devient astral, puis ça, tu peux le communiquer par ta parole. Ça peut engendrer d'autres astrales, ça peut perturber certains astrales. À l'intérieur des personnes, c'est l'énergie de la parole. La lumière supramentale, c'est bien différent de l'énergie de parole. Ça peut être un support à la lumière. Mais la parole elle-même, c'est une forme, c'est une chose astrale. Donc, l'énergie de la parole ne peut pas transformer autre chose que l'astral. Mais au tout début de la Genèse, c'est écrit que la lumière soit mm-hmm. et la lumière est. La lumière fut. La lumière fut. Et je trouve cela bon. Ben non, et Dieu trouva que cela était bon. C'est ça. Oui. Mais à l'époque, la lumière, c'était quoi pour l'homme? C'était le soleil. Mm-hmm. C'était tout ce qui était rassurant. L'homme avait peur la nuit. Ses sens n'étaient pas raffinés. La compréhension qu'il y avait des sens était inexistante. Le mental qu'il y avait pour comprendre les phénomènes astrales, les phénomènes émotifs qui se passaient en lui était inexistant, ou presque. Alors, c'est normal. Quand l'homme voyait clair, ses sens étaient efficaces. L'homme pouvait voir de quoi. Puis tout ce que l'homme n'a pas pu comprendre, il l'a donné à cette lumière-là, c'est-à-dire que c'était Dieu qui créait ça, c'était la lumière. C'est une interprétation, c'est une chose, une interprétation d'un fait qui était bon à l'époque, qui était enregistré dans la Bible, qui était utile à l'homme pendant des milliers d'années. Mais à un moment donné, on emploie encore ce terme-là de lumière, mais je pense pas qu'on puisse l'assujettir aux mêmes interprétations qu'on a aujourd'hui de la lumière. Bon, aujourd'hui, on pourrait dire que la lumière, c'est la conscience christique. Ben, on peut dire bien des choses, mais christique, ça voudrait dire quoi? Quel rapport au Christ? Christ, ça veut dire sauveur. Sauveur, c'est un terme astral. On peut aller loin, tu sais, c'est ça qu'il y a. C'est que, mettons, quand tu dis que telle chose, ça peut avoir rapport à telle chose, si tu l'enseignes, tu le définis comme il faut, oui, ça peut avoir rapport à ça. Mais on peut pas le dire comme ça. Ça peut, puis ça peut le pas. Il faut définir toujours toutes les choses. Ben, c'est normal. Sans ça, ben, on peut pas arriver à se comprendre. Si moi, je veux créer une perturbation dans le phénomène de compréhension des paroles qu'a l'individu, donc dans son astral, dans la possibilité qu'il a d'interpréter mes mots, mais là, j'envoyais des mots qui sont radicaux, qui sont brutales, puis qui sont secs, qui vont aller faire à peu près ce que je veux parce que je vais m'organiser pour mettre l'énergie, le support vibratoire qu'il faut pour. Ce support-là avec est astral. Bon. Comme quoi? Ben, on peut imiter n'importe quoi. Je peux finir à un moment donné par chanter, je peux faire peur à un enfant en criant après. Je peux faire peur à quelqu'un en criant après. Je peux parler doucement pour vendre une paire de souliers percés à un bonhomme qui... Bon, là, je me sers de la parole, puis je vais perturber. Ça, il n'y a pas de problème à ce côté-là. Facile. Je peux me servir de la parole pour pouvoir... Je prends mon mot, puis je le dis en essayant simplement, par beaucoup de mots, par beaucoup de détours et de contours, de ne pas perturber le même phénomène, le phénomène de compréhension des mots, okay, le phénomène d'interprétation des mots, pour essayer de prendre le mot le plus susceptible de ne pas être déformé par la compréhension de l'individu à qui je parle. Et puis là, je vais quand même créer un léger remous au niveau de l'astral, la compréhension de l'individu, mais à peu près pas. Comparativement à si j'y vais, là, je suis Dieu, puis croyez, puis bon, il y a un paquet de choses qu'on peut faire qui vont perturber énormément. Si je fais attention à ce que je dis, si je définis bien mes mots, parce que plus tu définis un mot, moins tu perturbes l'astral. Alors, si je définis bien mes mots, ben là, c'est que je laisse la possibilité au mental de l'individu de pouvoir interpréter logiquement, d'analyser, OK, les relations de phénomènes que j'énumère, puis lui peut finir, si l'astral n'est pas trop perturbé, l'astral ne vient pas se mêler du mental, peut finir par, à un moment donné, apprendre, prendre conscience, OK. Il va vibrer, puis à un moment donné, clac, quelque chose qui se passe en lui, là, puis c'est ça. Ça a bien de l'allure, ce qu'il vient de dire, là. Mais c'est pas moi qui l'a aidé. C'est lui qui a fait le cheminement tout seul. Sauf que c'est ça. Si je me mets à perturber l'astral, ben, je fais remonter l'astral au complet, là, je brasse la vase, ça vient tout teinter mon eau. Puis l'eau reste vaseuse un bout de temps, c'est-à-dire que la personne, ben, a réagi à ce que je dis, puis c'est moi qui la contrôle encore plus. Quand on dit que c'est important de définir, d'interpréter les mots, oui, ben, ça perturbe moins l'astral. On est capable d'essayer de ne pas créer de nouvelles formes. On est capable d'essayer de faire en sorte que le mental puisse prendre conscience des formes qui sont déjà en lui. Puis là, il est capable de les analyser s'il n'y a pas d'autres formes qui viennent s'en mêler. Alors, voilà pourquoi il faut définir les mots, puis c'est important. Ce qui perturbe dure plus longtemps ou moins longtemps que ce qui ne perturbe pas? Non. Ça dépend, ça, simplement de qu'est-ce qui perturbe. La force de la perturbation. Mais n'importe quoi qui perturbe, perturbera autant qu'il voudra. Si la personne comprend le phénomène même, mais elle ne peut pas perturber. Mm-hmm. Si... Ça revient à dire qu'il faut que tu sois centrique, centré. Ah ben oui, là, je vois si tu vas en venir. Ah ben, c'est évident. Ah, faut être théocentrique. Dans le salon de la théocentricité. Tu peux pas faire autrement que d'être centrique de toute façon. Que d'être centré sur toi, puis que tout ce que tu sois, que tout ce que tu émets te revienne, puis que tout ce que tu fais soit pour toi. Mm-hmm. Même si tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu le fais parce que ça te rapporte quelque chose. Même si tu fais du bénévolat, tu le fais parce que ça te rapporte quelque chose. Mm-hmm. Si t'aimes pas les enfants, t'en donnes rien. Si t'aimes les enfants, ça te fait plaisir de travailler avec eux autres. Mais c'est pas pour les enfants, c'est pour le phénomène que ça crée en toi. Si tu donnes un cadeau, si tu aimes ta femme ou ton mari, c'est simplement pour ce qu'elle te rapporte, c'est normal. Mm. Tu aimes Dieu parce que Dieu te protège, Dieu ci, Dieu ça. Quand Dieu donne plus ci, tu changes de religion. Mais tout est centré. Il vient un moment donné où tu dois conscientiser cette centricité-là. Puis c'est normal, c'est ce qui va arriver. C'est ce que l'homme va faire de plus en plus. Puis c'est bien correct. Mais il y a quand même une nuance entre quelqu'un, on va dire, qui donne... Oui, c'est ça. Être centrique. Oui, ben, il y a une... sûrement dire être égoïque. Être égoïste. Égoïste. Non. En apparence extérieure, c'est la même chose. Mais il y a une différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui comprend, il y en a un qui est conscient. Mm-hmm. Alors, c'est pas pareil. En apparence, ça peut l'être. Parce que l'homme n'a pas le choix, c'est un phénomène qui est normal. T'es pas lié avec du monde parce que ça te plaît. Parce que ça rapporte quelque chose. Pas nécessairement en matière. Mais en phénomène astral, oui. Mais à un moment donné, tu comprends. T'es conscient. Ça peut te continuer à faire les mêmes choses. C'est bien différent. T'es plus un gars dangereux pour personne. Tu es conscient. Tu le fais pas pour personne. Tu le fais encore parce que c'est comme ça. Mais tu le fais plus pour toi. Mais ça revient quand même à toi. Mais t'es conscient. T'es différent. Mais t'as pas le choix. Et un type conscient dans la vie, ça fait quoi? Ça se suicide. Un type qui est conscient, dans le sens que conscient veut dire un type qui est dans un état mental assez avancé pour ne plus être teinté par ces phénomènes psychologiques, émotifs, ces phénomènes astraux. Si on entend par là type conscient, qu'est-ce que ça fait dans la vie? Ça fait la même chose que n'importe qui, mais ça ne souffre plus. Si ça ne souffre plus, ça engendre moins de troubles. Ça, c'est encore très relatif parce que le trouble est engendré par la personne même qui souffre le trouble. Si moi je suis bien calme, je fais plus de remous. Et si toi t'es jaloux que moi je sois calme, ben t'as revif, c'est pas à cause que je suis calme. C'est toujours l'individu lui-même qui souffre, qui engendre sa souffrance, qui l'accepte, qui l'interprète, qui l'admet. Mais le gars conscient ou inconscient, il crée rien. Sauf qu'une personne qui accepte n'importe quelle perturbation comme étant ça, ben cette personne-là, on peut dire que si moi je le sais que toi tu acceptes n'importe quoi, on peut dire que si moi j'en profite, que je crée des perturbations à l'intérieur de toi. Pour la compréhension de l'homme, on peut dire que c'est une chose qui est réelle. Mais c'est pas vrai pantoute. Les instructeurs, les initiés, les maîtres, on peut presque dire qu'ils s'amusent à créer des perturbations. Ben, ils s'amusent sans doute. Puis de toute façon, s'ils laissent ces termes-là accrochés après eux autres, ils s'amusent en crime. C'est pas eux autres qui s'appellent maîtres. Et l'homme encore, qui détermine une limite entre eux autres, leur compréhension, leur savoir, puis leurs possibilités avec celles que l'homme lui-même a. Mais quand tu comprends la forme, t'en vois l'utilité de la forme. Tu t'amuses pas à la créer. Et c'est plaisant en maudit de la créer. Tu t'amuses pas à la contrôler. C'est plaisant à tabarouette de la contrôler pendant un bout de temps. Parce que là, c'est un nouveau jouet qu'on a entre les mains, qu'on vient de comprendre. On s'amuse avec. L'astral est quand même tout le temps là. Mais tu te perturbes pas, tu te contrôles pas. Bon, de temps en temps, mais c'est amusant. C'est dangereux. Puis à un moment donné, où c'est que c'est plus comme ça. L'astral contrôle plus. Puis tes bonhommes, on peut dire qu'ils s'amusent, c'est-à-dire que c'est pas dangereux. C'est quoi qui est pas dangereux? Tellement ça te plaît. Par rapport à nous autres, on peut dire qu'ils s'amusent. Par rapport à eux autres, alors, il faudrait leur demander. Ils font leur travail. Eh oui. Puis encore là, sans guillemets. Je crois qu'il reste juste quelques minutes. Et pour 2 minutes. Et pour Maud, pour conclure. Pour conclure, à la prochaine. À la prochaine, quoi? Conférence. Psychologie de l'illusion. Psychologie de l'illusion. Ouais. Là, on va pouvoir parler de ce que tu voulais parler. Ça va être le temps. Ah! Faites le temps. Ouais. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a une chose pour dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Il n'y a que son barbu. Tiens. OK. Merci beaucoup, Daniel. De rien, Pierre.